Elle est bien chargée, cette barge. Plus qu'une péniche, un tanker. À sa proue figure le nom de cœur. Où va l'emmener son voyage? Elle porte des barres de mémoire. Sous des tapis enchevêtrés. Tapis de désir éméché. Larmes de nuit dans une jarre. Tu vois, ces grosses barges-là, sans voile, ni barreur, ni mât. Personne n'en croise alentour. Tellement houlé avant-arrière qu'on perd la trace de son cours. Que sa charge part à la mer.